Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année! À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595 ou varietélcr.ca. Le personnel et la direction de la société sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Ils vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-80. Quelle semaine de football collégial américain en fin de semaine avec les matchs de championnat de section, les cinq matchs du Power 5 qui vont se mettre en branle ce soir avec la finale du Pac-12. On en parle avec notre ami Hugues Fouché du site internet lebisnfl.com. Salut Hugues. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien Hugues. D'abord, avant de parler de cette semaine complètement incroyable, Il y a le National Singing Day qui commençait hier. Ça, c'est la première journée que vraiment, là, c'est un blitz que les équipes peuvent enrôler les meilleurs joueurs des écoles secondaires. Okay? C'est à peu près ça. Là. C'est la première journée. Je pense qu'il y en a même en février. C'est même, comment ça marche, en fait? Oui. Ben, en fait, pour que les gens comprennent, là, c'est que au football, la NCAA, il n'y a pas de repêchage. Hein? Ouais. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est que les prospects choisissent l'université où ils veulent aller, puis il y a une période pour le faire. Et puis, la période, on est dedans actuellement. Donc, aujourd'hui, c'était la date limite là, des early signings, qu'on appelle. Il va y avoir une autre période un peu plus tard. Mais aujourd'hui, c'était la période là où les joueurs, les early signings, ceux qui vont pouvoir là, se joindre au printemps à leur université, c'était la date limite. Donc, c'est une grosse journée. Et puis, c'est la journée où les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Donc, tu seras pas surpris d'apprendre que les trois meilleurs... Non, c'est toujours la même affaire. C'est Alabama, Ohio State. Il y a Ole Miss qui vient de nulle part, là. Qui est bien recruté, là. Oui. Ah oui. Oui, c'est ça. On parle donc, effectivement, Ole Miss aurait connu une grosse journée. Ils ont signé de bons prospects. Alabama, pour te donner une idée, a signé 6 prospects 5 étoiles. C'est un petit peu comme s'il y avait eu 6 choix de première ronde. 14 prospects 4 étoiles, écoute, et 4 prospects 3 étoiles. Ohio State, c'est un peu la même chose, là. Ils en ont 5 étoiles, 13 4 étoiles. Donc, tu sais, les meilleurs joueurs vont dans ces universités-là. Mais Ole Miss a fait une grosse journée aussi, donc c'est à cause de la présence de Lane Kiffin, ouais. qui est un coach reconnu. L'ancien coach des Raiders d'Oakland, pour ça. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il a été coordonnateur offensif à Alabama, donc c'est un gros nom. Ouais. Donc, il a réussi à attirer des bons prospects. Puis, je te dirais, on a vu certaines universités, LSU, il y a certains de leurs joueurs étoiles qui ont quitté pour Alabama, mais même à ça, ils ont une bonne journée quand même. Ouais. Et puis, les grands perdants, là, ça a été Mississippi State, là, parce que il y avait plusieurs joueurs qui avaient pris un engagement, qui avaient signé leur lettre d'intention, qui ont finalement changé d'idée parce que ils s'en vont nulle part, Mississippi State, là. Ils ont un nouvel entraîneur, voilà, son nom m'échappe, l'ancien de Washington State, mais c'est une catastrophe à date cette année, donc eux, ils ont perdu plusieurs joueurs, donc on va voir, mais Clemson aussi est sorti fort, tu sais, c'est les mêmes grosses universités que d'habitude, là, qui, euh, Donc, qui vont chercher les meilleurs. OK. Donc, ça va se poursuivre, je pense, en février. Est-ce qu'il y a des matchs du high school avec cette année avec la COVID? Tu sais, il y a toujours le high school All-American US Army. Est-ce que ça, ça va avoir lieu cette année? Je ne sais pas. Bonne question. Je pense que oui, mais évidemment, c'est toujours le sujet, s'il y a de la COVID, est-ce que ça puisse être annulé. Mais ça, c'est toujours un beau spectacle à chaque année. Là, on regarde c'est, ça. C'est mais... à San Antonio. Le match est à San Antonio. Il y a l'armée américaine qui est là aussi. Ah oui, oui. Donc, c'est vrai. Puis dans ce match-là, il y a des joueurs qui se commettent avec des universités. Hein. Oui, et absolument. Puis c'est toujours... écoute, plusieurs des joueurs sur le terrain, on les revoit 3-4 ans plus tard dans la NFL. Alors, c'est toujours un match spectaculaire à suivre. C'est toujours le fun. Cette année, par contre, c'est sûr que ça va être peut-être plus difficile de le tenir, mais je pense qu'ils vont essayer de le faire quand même. OK, OK. Donc, on va y aller avec... ça commence ce soir. On va parler du gros match du Power 5, évidemment, les... Ça commence ce soir avec Washington, qui c'est contre Oregon, je pense, c'est ça? Oui, en fait, c'est ce soir, c'est USC contre Oregon. USC contre Oregon, c'est Oregon qui est arrivé de nulle part, qu'il remplace Washington, c'est ça? Ah, oui, ça se peut dessus, hein? Oui, écoute, je ne savais même pas. Ben non, écoute, c'est l'année, c'est comme c'est ça, hein? Au moins, on a un match, tu sais, c'est ça qui est important. Je pense que c'est l'année, là, si tu me permets l'anglicisme, du show must go on. Tu sais, il faut continuer le spectacle, faut continuer à... Mais on s'entend que ça n'a pas bien de bon sens que Oregon soit là. C'était l'Université de Washington qui devait jouer le match. Or, à cause de la COVID, ils ont annulé. Puis Washington, c'est-à-dire Oregon, a pris leur place. Oregon qui, en passant, 3 victoires, 2 défaites, il n'y a rien pour écrire à sa mère, là. Qui vont être contre USC, qui, eux, n'ont pas subi la défaite encore. Donc, USC mérite vraiment d'être là. Oregon, un peu moins, ça serait bien le bout qu'Oregon batte USC, mais on ne sait jamais. Par règlement, il faut jouer le match. Alors, peut-être qu'Oregon, qui n'a pas de mauvaise équipe, auront leur chance, mais... moi, dans les circonstances, je m'a dit je souhaite une victoire de USC parce que je trouve que la situation d'Oregon n'a pas vraiment de... mais bon, au moins, le match va avoir lieu. Tu sais. Effectivement. Maintenant, dans l'autre match, demain, je vais aller voir ça. Évidemment, le match qu'il faut voir, c'est une reprise de... On va y aller tout de suite parce que je vais sortir le calendrier pendant ce temps-là. Là. Oui. C'est Notre-Dame contre Clemson. Contre Clemson. Évidemment, c'est la reprise. On sait que Clemson avait perdu contre Notre-Dame. Mais là, Trevor Lawrence sera en poste et il n'était pas là. Quoi qu'il avait pas, ça n'avait pas été... ça n'avait pas été... non, c'est pas... C'est très, très bien fait. Sauf qu'il y a une question de confiance qui va être là-dedans. Exactement. C'est sûr que ça ne s'était pas joué au niveau des quarts arrière. La recrue là qui avait remplacé, dont le nom est difficile à prononcer, là, qui avait remplacé Trevor Lawrence, avait joué un gros match. C'est pas lui qui avait perdu ce match-là, c'est clair, mais c'est sûr que quand Trevor Lawrence est là, c'est quand même une équipe là très différente. La confiance va être beaucoup plus là, puis moi je pense que Clemson a toutes les chances de l'emporter. Mais je vais te dire une chose, par exemple. Moi je pense que si Clemson gagne mais que le match est serré, Notre-Dame et Clemson vont être dans les séries cette année. Je pense que Notre-Dame, là, victoire ou défaite, peut participer aux séries éliminatoires cette année. Le comité va remettre son rapport dimanche sur une émission sur ESPN. Donc, c'est ça, c'est un tour le show où on va annoncer les quatre les séries éliminatoires et les bowls également. Ça fait partie de cette incroyable fin de semaine de football qu'on a. Écoute, juste comme ça, là, juste pour rappeler aux gens que ça commence ce soir avec USC Oregon, mais que demain, toute la journée, c'est des finales de conférence. Il y a les quatre finales des autres conférences Power 5, mais il y a aussi Cincinnati contre Tulsa. Le Québécois que j'ai eu en entrevue, Bruno Labelle, qui va être là. Moi, si je peux t'assurer que je manque pas ce match-là, ça va être très bon. Et puis, il y a aussi deux matchs de la NFL demain, on l'oublie. Mais écoute, il y a des matchs de la NFL, Danny, mais... Pour quelqu'un qui aime vraiment le football, là, Alabama, Florida demain à 8h, qui va être pendant le match Green Bay, Caroline. C'est bon, la NFL, c'est toujours le fun, mais là, Alabama, Florida demain, ça va être incroyable. Deux super bonnes universités, puis ça, c'est des, rappelez-vous, là, c'est des petits gars qui sont pas payés. Non. Eux, ils vont jouer, ils vont donner tout ce qu'ils ont pour le sport, puis pour leur université, puis par orgueil, puis pour, puis ça donne toujours des spectacles grandioses, puis ça, ça va être un match, là, Floride-Alabama, moi, j'attends beaucoup de ce match-là, puis même s'il y a de la NFL, mon match principal demain soir, ça va être Alabama, okay. Florida, c'est sûr à 100%, Big ça va Ten, être incroyable. Le final oui. du Big Ten également, c'est oui. Ça va avoir Ohio State, Northwestern qui est une certaine surprise, qui va prendre une surprise cette année. Oui, écoute, si Northwestern est capable de donner un match à Ohio State, tant mieux. Mais je pense qu'Ohio State est dans une classe à part. Moi, je pense que si Ohio State donne une impression de domination dans ce match-là, ils vont être dans les séries éliminatoires, même s'ils n'ont pas joué beaucoup de matchs. Sauf qu'à un moment donné, c'est pas de leur faute. C'était souvent les autres universités ouais. qui pouvaient pas jouer. Tu peux pas les pénaliser parce que, tu sais, moi, puis on le sait qu'ils font partie des quatre meilleures équipes au pays. Alors, moi, je pense, mais il faut qu'ils dominent ce match-là s'ils veulent être sûrs. Donc, ça va quand même avoir un enjeu. Il faut qu'ils gagnent, puis il faut qu'ils montrent à quel point ils sont dominants, ce qu'ils sont d'ailleurs. Ouais. Alors, j'ai hâte de voir ça. Puis moi, je veux que Justin Fields ait sa chance. Dans les séries, j'adore ce jeune joueur-là. C'est un leader sur le terrain, hors du terrain, une attitude parfaite, un joueur fantastique. Je vois pas les séries sans Justin Fields. Okay. Il faut qu'il soit là. Okay. Et l'autre match qu'il faut regarder, Oklahoma contre... Oui, Iowa State. Contre Iowa State. Il y a un Québécois cette semaine qui a signé avec un... Donc, Tristan Junot. Qui a signé avec l'Iowa State. Je devrais l'avoir bientôt en entrevue. Il ne voulait pas me parler tout de suite. Lui, il voulait attendre d'arriver sur le campus de l'Iowa State pour me parler. C'est un 3 étoiles. Et tu me disais en entrevue que c'est un 3 étoiles, c'est quand même bien coté, ça. Ah oui, tout à fait. 3 étoiles, là, c'est ça veut dire qu'il y a de bonnes chances d'atteindre okay. La NFL. Puis il va jouer pour une équipe aussi là, à Iowa State. Qu'on n'a pas entendu parler, mais on a parlé de Cincinnati, on a parlé de Northwestern, ouais. mais on n'a jamais parlé de l'Iowa State. On est arrivé nulle part. Hein? Non, exactement, mais ils ont des bons vétérans. Ils ont Purdy, leur carrière. Ils ont Hall, le porteur de ballon. C'est des gars qui vont jouer dans la NFL. Ils sont à la fin de leur cycle, donc leurs meilleurs joueurs sont rendus à leur année senior. C'est ce qui fait qu'ils sont en finale. Mais ils ont toujours des bonnes équipes. Hein. C'est une équipe à prendre au sérieux, mais cette année, ça tombait que leurs leaders sont à la fin de leur cycle. Mais c'est sûr qu'après ça, il va y avoir une petite reconstruction là, chez Iowa State, mais il se joint à un bon programme. Le jeune homme, il a bien choisi. Et honnêtement, là, il va être bien coaché là-bas. Comment je peux dire? Non, c'est ça, leur entraîneur, c'est un très, très bon entraîneur. Il vient du MAC, il coachait dans le Mid-American Conference yeah. avant. Toledo, de mémoire. C'est un gars qui a eu du succès partout où il est passé. Très bon coach. Alors, je suis content pour lui. Il a choisi un bon programme. Et puis, j'aime les chances d'Iowa State contre Oklahoma. Ça, sérieusement, là, ça pourrait être un bon match aussi à ne pas manquer. C'est deux équipes qui ont... Oklahoma s'est replacé après un début de saison difficile, mais c'est deux équipes qui sont pas mal au même niveau, puis ça devrait être un affrontement très serré, je pense. OK. Donc, c'est ces matchs-là qu'on va voir demain. Ça commence oui. à partir de ce soir à 20h sur Fox, et par la suite, oui. c'est toute la journée de demain, il y aura des matchs. Il y a également Boise State également qui est en action dans le Mountain West, oui. je pense. Mountain West, oui, tout à fait. Donc, on va suivre ça également. Oui. On s'en reparle samedi, pas samedi, mais lundi pour la rétrospective de la NFL et de la NCAA. Oui. Notre ami Hugues Fouché, site internet, c'est bitsnfl.com.